Alors, je te pose une question. Est-ce que tu crois, toi, à l'amour? Bien sûr, comme... Comme tout le monde. Comme tout le monde. Ouais, ça sera pas long, ça va être réglé, vous allez voir ça. Mais nous, on entend rien avant. En tout cas, on s'entend. Ah, y a pas de problème, ça va se régler un petit peu. Donc, comme ça, vous m'entendez un peu en arrière, certain. Mais ça va être mieux, ça va s'arranger, vous allez voir. Ça fait... Vous expliquez des petites anecdotes intéressantes. On a réussi à installer la climatisation au sol, et les disjoncteurs qui ont été achetés ne fonctionnaient pas, même si c'était neuf. Alors, pas de climatisation. On réussit à en trouver d'autres, et l'eau qui doit refroidir le climatiseur, c'est l'eau chaude. Parce que dans le système de froid, c'est de l'eau chaude qu'on a en bas. Alors, ce n'est pas climatisé en bas, parce que si on fait sortir, si on fait marcher le climatiseur, on va réchauffer la pièce. Et puis, c'est la même chose un peu pour bien des... C'est intéressant. Travail. Faut aimer ça. Alors donc, l'amour. Je demandais à Daniel ici s'il croyait à l'amour. Et il me répond oui, comme tu le... Oui, comme tout le monde. Mais pas comme tout le monde, dans un sens. Parce que cet amour que l'on, auquel on est éduqué, on s'aperçoit que on est toujours, toujours mal pris avec ça. On a toujours des peines, on a toujours des difficultés. Bon, moi j'aimerais... Alors, pour moi, c'est pas intelligent. Exactement. Pour commencer la conférence, je crois qu'il serait extrêmement important de bien comprendre que l'amour perçu par l'homme n'est pas de l'amour. Autrement dit, si on s'en réfère à la perception de l'homme, on pourrait prétendre ce soir que l'amour sur la planète Terre, ça n'existe pas. C'est frustrant. Preuve déjà que l'amour fait souffrir, et l'amour qui fait souffrir, moi, je n'appelle pas ça de l'amour. Est-ce qu'on pourrait appeler un ami qui nous vole un ami? Un être humain qui nous fait souffrir, c'est un ami. Normalement, on appelle ça un ennemi. Et l'amour nous vole nos vies, nous vole nos jeunesses ou nos vieillesses, nous fait souffrir régulièrement, nous coûte extrêmement cher, nous rend malade, et on appelle cela l'amour et on le recherche. Ben oui, c'est ça qui est pire. On le recherche. Ça revient pas, c'est fait. Tout est bâti là-dessus. On bâche. Oui, masochiste. Oui, diocyste, en tout oui. cas. Diocyste. Oui. Alors, ce qu'il faut parvenir à comprendre, premièrement, c'est déterminer s'il y a quelque chose qui peut ressembler à l'idée émotive qu'on aimerait que soit l'amour, et déterminer ce que nous trouvons, vivons, expérimentons, connaissons, et ce que nous recherchons. Certaines personnes trouvent l'amour en se droguant. Par contre, le corps physique lui trouve la guerre. Certaines personnes oublient leurs problèmes et finissent par être capables, apparemment, de mieux aimer lorsqu'ils sont sous l'effet de l'alcool. Comme si l'amour devait toujours être apporté par quelque chose d'extérieur à l'homme. Une personne seule va dire « je n'ai personne à aimer ». L'amour dépend-il réellement de l'extérieur? Une personne seule va dire « il n'y a personne pour m'aimer ». Et l'être humain qui passe sa vie à dépendre des conditions extérieures nécessairement ne sera jamais heureux. Parce qu'il devra changer le monde et le monde devra être comme il veut. Et lui changeant, le monde devra changer à son rythme. Mais le monde doit être un monde de mort. Parce que si deux individus décident de changer le monde, ils ne changeront pas de la même façon. Et c'est ce qui arrive sur le plan planétaire. Étant donné qu'on est convaincu que l'amour provient de l'extérieur, ou nécessite l'extérieur pour être exprimé, être humain malheureux. Est-ce qu'un homme, une femme, un enfant seul, je dis bien seul, peut aimer? Seul. Oui, oui, oui, tu veux ou oui, ça se peut? On peut s'aimer. Non, ça se peut, mais ça se fait. On peut s'aimer. On appelle ça de l'orgueil ou de l'égoïsme. C'est peut-être le début de l'amour intelligent. Et ce qui est étrange, c'est que je me pose la question, comment ça se fait qu'on ne s'est jamais posé la question à savoir si c'est de la bonne amour ou de la mauvaise amour? Du moins, depuis peu, on se pose cette question. Parce qu'on en veut trop. Puis on en veut partout. Partout où tu bosses en terre. Partout où tu trouves la paix, tu veux qu'il y ait de l'amour. 2 ans après, il y a la guerre. Partout! Les chrétiens ont voulu amener une nouvelle parole ici. Ils sont battus contre les Indiens et ils ont rendu alcooliques. Les Jésuites ont voulu absolument coloniser les Japons. Ils se sont battus contre les samouraïs, contre les Portugais, contre les Anglais. Et partout où, présentement, on a le djihad islamique, qu'est-ce que c'est? C'est une guerre sainte. On appelle ça aussi un peu le terrorisme international. Où le fidèle ne va au ciel que s'il meurt sur un champ de bataille en tuant un infidèle. Alors merde, comment voulez-vous leur dire de faire la paix? C'est comme si on disait, faites la paix et allez en enfer. Nécessairement, ils vont faire la guerre pour aller au ciel. Parce qu'ils aiment. Ils aiment leur Dieu et leur tradition. Et ça, c'est de l'amour sélectif. Parce que cet amour permet d'haïr le reste. Et ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. C'est un peu comme la violence et la non-violence. La non-violence, c'est de la violence déguisée. Gandhi était un espèce de génie. Hypocrite. En violence. Oui, parce que la violence, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on a une idée. On la suggère. L'autre veut pas, alors on le force à accomplir notre idée malgré lui. C'est la violence. Alors je décide que je jeûne et si je meurs, c'est de sa faute. Il va tellement s'en sentir coupable qu'il va finir par accréditer ce que je lui demande. C'est de la violence. Il n'y a pas d'effusion de sang. C'est de la violence. C'est comme le mari qui bat sa femme sans bleu. C'est de la violence. Aujourd'hui, on en arrive même à parler de violence psychologique. Qu'est-ce que Gandhi a fait? Mais les Anglais se sont habitués. Lorsque dernièrement, on a recommencé à faire des grèves de faim en Irlande du Nord, eh bien, ça mourait carrément dans la prison. L'amour, c'est un peu le même phénomène. L'être humain, il est convaincu qu'il aime, et le problème, c'est qu'il y a 2 formes d'amour réel sur le plan planétaire. Le premier est l'amour individuel de l'homme pour l'homme, de l'individu pour l'individu, et cet amour-là, c'est celui que l'être humain vit. Il est essentiel, il est naturel et il est intelligent. La deuxième forme d'amour est un amour qui ne peut pas être contrôlé par l'homme, une attraction qui relie par l'événement chaque individu sur la planète Terre et chaque individualité existentielle, que ce soit une roche, une plante, un animal, un flocon d'air, un nuage, quelque chose. Mais est-ce qu'on n'a pas le choix d'aimer ou de ne pas aimer? Effectivement, on n'a pas le choix d'aimer ou de ne pas aimer. Par contre, on peut ouvrir ou fermer les yeux. Et prétendre qu'il n'y a pas d'amour ou qu'on n'aime pas. Le gros problème vient où? Provient de où? Tiens, tu vas pouvoir mieux te faire comprendre. J'espère que ce n'est pas pour moi. Le fait que l'homme a le droit. L'homme a le droit de s'aimer. Et en même temps, l'homme nécessairement aime l'extérieur. Étant donné que l'homme aime l'extérieur et qu'il a le droit de s'aimer, et qu'il a été instruit qu'une seule forme d'amour existait, il se force à allier les deux. Pour ne pas être égoïste, il veut transformer son amour individuel en amour extérieur, ce qui ne peut pas se faire. Alors, il vit l'amour égoïste sans la comprendre. Je cueille une fleur parce que l'onde de forme de la fleur, c'est-à-dire l'image que je perçois, engendre chez moi un stimuli qui me nourrit. On appelle cela qui me plaît. Alors, parce que j'aime le stimuli, je vais dire j'aime la fleur. D'où l'erreur. Alors, j'aime ma femme, j'aime mon mari pour ce qu'elle me rapporte et pour ce qu'il me rapporte, mais jamais pour lui ou pour elle. Mais on essaie de camoufler cette chose dans un amour qui englobe en vivant un amour qui possède. Et c'est naturel de vivre l'amour qu'il possède. Ma femme, je ne l'aime plus. Pourquoi? Ah, elle a changé. Elle ne me rapporte plus rien. C'est ce que je dis. On aime pour ce que ça rapporte. On peut aimer la fleur pour ce qu'elle stimule chez soi. On peut aimer son homme ou sa femme pour aussi ce qu'elle stimule chez soi. Mais si la personne, à un moment donné, décide de se changer le visage au complet, on risque de ne plus l'aimer. Ou si elle change sa personnalité psychologique, on appelle cela vieillir, ou évoluer, ou changer, ou muter, ou devenir fou, ou devenir folle, dépendant comment l'autre vibre. Et à un moment donné, ça rapporte plus. Et cet amour, il est correct. Lorsque je parle, dans le livre La différence que j'ai écrit, de bénévolat, c'est la même chose. La personne qui fait du bénévolat le fait parce que cela lui rapporte. Qu'est-ce que c'est, cela nous rapporte? Lorsque je vois le monde malade, tu sais, ça me fait tellement souffrir, ça me fait quelque chose ici, j'ai du cœur. C'est pas fort, les mots sont faux. Ça te fait comme un tournevis qui te trémousse. Et pour ne pas vivre cette souffrance, tu prétends aimer. Et là, tu t'en vas les aider pour ne pas vivre ici la souffrance. Mais si la souffrance disparaît, bénévole aussi. Donc, l'homme est ça, ceux qui ne sont pas capables de dissocier le concept moral de l'amour, instruit par les patriarches de l'Antiquité, qui voulaient manipuler l'humain. D'ailleurs, ils l'ont instruit par la théologie, parce qu'on change bien des choses. Vous savez, la théologie catholique romaine, elle est bien. Elle a permis des choses grandioses qu'aucune science n'aurait permis. Certains vont dire, oui, mais elle nous a manipulés, puis elle nous a gardés dans l'ignorance. Non, elle n'a pas gardé l'homme dans l'ignorance. L'homme était ignorant. Parce qu'aujourd'hui, elle continue à faire ce qu'elle a toujours fait, et apparemment, l'homme en sort. Ce n'est donc pas la religion qui conserve l'homme, c'est l'homme qui conserve la religion. Mais pour expliquer un peu de quelle façon, de temps en temps, les théologies sont humaines, il y a eu une époque où on a élu deux papes. Et les deux se sont mutuellement excommuniés. On a eu un pape anglo-saxon et un pape plutôt français. Plutôt italien, plutôt. On a un pape italien et un pape français. Et les deux se sont mutuellement excommuniés. Les deux étaient là en même temps. Alors, quand on voit ce genre de choses, eh bien, on se demande pourquoi Dieu élit deux papes qui chacun les excommunie de Dieu. Bon. Il y a des explications humaines dans la théologie. L'une d'entre elles est celle-ci. Aimez-moi. Alors, j'aurais plein d'esclaves. C'est ce qu'à un moment donné, les théologies ou les théocraties ont donné. Et ils ont instruit l'homme que l'homme se devait. Le Nazaréen a dit « Aimez les autres comme vous-même ». C'est l'alliage entre les deux sans nécessairement faire une fusion des deux. Aimez les autres comme vous-même et non pas aimez vous-même comme les autres. Donc, premièrement, c'est aimer soi-même. Mais lorsque l'on s'aime soi-même, on a l'illusion d'être égoïste. Alors, je vais dire à quelqu'un « Laisse-moi te jouer dans les cheveux, ça te fait du bien ». Non, ça me fait du bien. J'ai le goût de jouer dans les cheveux. Et parce qu'on ne peut pas supporter, parce qu'on comprend mal l'idée qu'on a premièrement un amour interne, on a besoin d'une nourriture psychologique qui permet à notre âme de continuer à conserver sa sécurité et qui lui permet aussi de continuer à conserver une forme d'harmonie qui lui permet de mieux supporter la vie. Alors, c'est normal d'aimer sa femme pour soi, d'aimer son mari pour soi, de faire du bénévolat pour soi, d'avoir des enfants pour soi, d'avoir des parents pour soi, d'avoir un automobile pour soi, d'avoir des structures matérielles pour soi, de couper les fleurs et de les tuer pour soi. C'est naturel. C'est inhérent à l'homme. Et tant que l'homme se sentira coupable d'être comme ça, il sera comme ça, mais il en souffrira. Alors, lorsqu'on va rencontrer des individus pour leur dire que Dieu les aime, et tu leur réponds, et alors ils te répondent, Dieu t'aime quand même. C'est ça l'amour conditionnel. Dieu t'aime quand même, mais il va te punir. Ça veut dire. Il y a une période de questions par la suite, et j'aimerais que ceux qui ne comprennent pas ou qui sont contre, donc qui ne comprennent pas ce que je viens de dire, l'expliquent. Que je puisse plus élaborer ce phénomène. J'ai fait plusieurs conférences sur l'amour intelligent et sur ses mécanicités. Je résume un peu là. Ces conférences sont en spécial, de toute façon, ce soir en bas. Il y a l'amour interne de l'homme. Tu ne t'habilles pas pour ton voisin. Tu t'habilles pour toi. La personne qui dit « Oui, mais moi, alors tu te contredis, moi je m'habille pour plaire à ma femme. » Tu t'habilles parce que ça te plaît lorsque tu plais à ta femme. Donc, tu t'habilles pour toi. Ce sont les subtilités et le langage au niveau de l'amour a été construit de façon à désinformer l'homme de ce que c'était que l'amour. Alors, nécessairement, il finit par dire à quelqu'un « Oui, mais je t'aime. Tu peux pas me faire ça. » Comme si tu avais un rapport. C'est comme si elle allait perdre quelque chose. Regarde bien ici. Je t'aime, tu ne peux pas me faire ça. Cela veut dire que tu es libre, personne ne t'aime. Je t'aime, tu ne peux plus être libre. C'est l'amour. Oui, parce qu'on vit sur un plan d'amour et on essaie de le projeter sur le deuxième, l'amour intelligent. C'est pourquoi on est mal pris. Je t'aime, donc tu es mal pris. Parce que si j'aime ma femme, elle peut plus sortir avec un autre. Si j'aime mon mari, il peut pas aller jouer avec ses chums tous les soirs de la semaine. Si j'aime mon enfant, faut qu'il ait des bonnes notes, faut qu'il soit bien habillé quand il va à l'école. Puis si j'aime mon chat, faut pas qu'il ait fait ses besoins sur le balcon du voisin. Parce que j'aime. Quand tu aimes Dieu, tu parles au nom de Dieu. Puis Dieu a un gaspillage. Mais Dieu va te mourir! Qu'est-ce que t'en sais? C'est comme si l'amour de l'homme, finalement, n'avait rien à voir avec l'amour réel, l'amour de Dieu, l'amour de l'univers. L'amour, c'est de l'attraction. L'amour psychologique. Regarde bien ceci. On est dans un monde, l'être humain est un être formidable qui est la concentration d'une quantité absolument astronomique d'énergie. C'est comme un soleil ou comme un trou noir. Il y en a de l'énergie dans un soleil. Mais s'il n'y avait pas au centre du soleil un phénomène, je n'expliquerai pas là, au niveau astrophysique, qui permet l'attraction du soleil, le soleil éclaterait. Et pour que le soleil n'éclate pas, la gravité existe. Une courbure spatio-temporelle qui permet à la constitution solaire de rester groupée. Et c'est ce qui existe chez l'homme et on doit apprendre à vivre avec ça. Pour que moi je n'éclate pas en millions de morceaux, je dois m'aimer. Alors j'attire à moi ce qui me constitue et cela me permet d'être ce que je suis. Donc je peux vouloir dire, oui mais j'aime les enfants. Et de temps en temps, j'en touche un. Je me nourris. C'est d'ailleurs ce que font les personnes âgées. Ils vont toucher aux enfants. Et plus ils sont jeunes, plus ils touchent. Parce qu'ils se nourrissent, ce n'est pas dangereux pour l'enfant, mais c'est bienfaisant pour la personne âgée. Elle aime, et elle aime pour elle. Vous aimez pour vous, l'homme aime pour lui, premièrement. Et c'est cela qui lui permet d'être ce qu'il est. Essayez simplement de tout abandonner ce que vous conservez pour vous, et vous serez lavé, siphonné, capote dans pas grand temps. Première chose, l'amour interne de l'homme lui permet d'être ce qu'il est au niveau physique. Au niveau vital, au niveau psychologique, au niveau astral et au niveau mental. Je dois aimer les choses pour moi. Je dois marcher dans la forêt et aimer être dans la forêt. J'aime pour moi, j'attire les choses. Ça me permet d'être l'homme. Il y a une deuxième forme d'amour qui, elle, engendre une relation entre les aimants primaires, l'homme, ceux qui s'aiment pour eux. Et si on connaît l'amour intelligent, il y a l'amour psychologique qui permet à l'âme d'être ce qu'elle est. Si toutes vos expériences, vous ne les aimeriez pas mémoriellement. En passant, l'amour psychologique, la haine psychologique, c'est exactement la même chose qu'analyser d'une façon différente. Une personne peut passer sa vie à haïr quelqu'un. La personne qu'elle haït prendra plus de place dans sa vie que ceux qu'elle aime. Donc, il y a attraction. La personne, donc, disons, les amants primaires, l'homme, dans sa constitution amique, les forces d'amour qui lui permettent d'être ce qu'il est. Et on ne doit pas se culpabiliser de découvrir qu'on aime pour soi. On doit comprendre qu'il faut, premièrement, aimer pour soi. Et lorsqu'on aimera soi pour soi, on pourra penser à aimer autrui comme on s'aime. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un, « Toi, là, tu vas manger une volée parce que je t'aime tellement là, que moi, t'aider à traverser ce que tu ne veux pas traverser. » Ça, c'est de l'orgueil. On se prend pour un maître, on se prend pour un supérieur. De toute façon, on veut interdire à l'être humain qui est là d'être lui et de faire son chemin. Ce n'est pas de l'amour. Ça fait encore partie de l'amour interne à l'homme, mais ça n'a rien à voir avec l'amour intelligent. Sachez une chose, l'amour émotif est donné à l'homme pour que l'homme puisse émotivement rester construit. L'amour intelligent, ce n'est pas une émotion. C'est un sentiment. Et lorsqu'on a des amis, on vit beaucoup plus pour le niveau sentiment. Lorsqu'on s'accouple, on vit au niveau de l'amour psychologique et on ne se respecte plus comme on respecte ses amis. L'amour possessif, l'amour psychologique, l'amour primaire, l'homme, l'amant primaire, est naturel. On ne doit pas s'en culpabiliser, on doit apprendre à le connaître. Pour travailler avec et lentement l'ajuster à l'amour intelligent, de façon à engendrer un écosystème qui nous entoure plus convenable. Quand on parle des miracles de l'amour intelligent, il faut faire attention. L'homme passe sa vie depuis 35 millions d'années que l'homme espère qu'un jour il aura un contrôle sur des choses. Il appelle ça un pouvoir, Un jour, vous appellerez ça de la puissance. Et l'être humain passe sa vie à jouer qu'il aura ce pouvoir ou cette puissance. Et lorsqu'un jour cette puissance arrive, l'homme continue à penser qu'il joue. Et ça, il ne faut pas. Jouons que nous l'avons, mais quand nous l'avons, cessons de jouer que nous l'avons. Ça, on nous sent. L'amour, on doit premièrement découvrir qu'on a besoin pour nous d'aimer. Je fais de la peinture parce que j'aime ça. Il faut cesser de dire, je fais cette peinture-là pour toi. Je fais cette peinture-là parce que je sais qu'en t'adonnant, tu vas aimer ça. Et quand tu aimes, je suis content. Donc, j'aime que tu sois content. Autrement, tu le sens encore pour moi. C'est pas nécessaire de tout dire ça. Personne, c'est bien con quand tu donnes un cadeau. Je te donne un cadeau pour que tu sois content. Parce que quand tu es content, je suis content. Parce que je te le donne pour moi. C'est ce qui se passe. C'est de le compter. Mais on doit le vibrer. Quand quelqu'un te dit c'est bien égoïste, vous devez répondre, c'est évident. Ça va régler un gros problème au niveau de l'amour. Un gros, gros, gros, gros problème. Puis qu'est-ce qui arrive si la personne n'aime pas ce qu'on donne? Si je te donne quelque chose et que tu ne l'aimes pas, pourquoi ça, normalement, ça devrait me frustrer? Parce que ce qui me plaît, moi, c'est quand j'ai l'impression d'avoir servi le concept traditionnel que lorsque l'on aime, on fait plaisir. Alors, je te le donne pour te faire plaisir et sachant que j'ai accompli le concept, je suis bien. Si ça ne fait pas plaisir, j'ai manqué mon coup. Donc, je ne peux pas être bien. C'est pourquoi je t'ai instruit la politesse et que tu aimes ou pas, dis que tu aimes. De cette façon-là, je continue à conserver l'illusion que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je te le donne, si je te le donne d'une façon intelligente, c'est que moi, je le vois, je le trouve dans un magasin à mes crèmes, c'est ça qu'il y a besoin, mais je l'achète. Tiens, c'est pas ça que tu voulais, bon, c'est pas grave. Amour intelligent, je ne peux pas en souffrir. Là, je l'ai fait pour toi parce qu'il y avait une mécanicité écologique. Je pensais que je le faisais. Je viens pour l'acheter, ah, j'ai pas assez d'argent. Tant pis, je te dirai où ce que c'est. Je ne m'attache pas à te faire plaisir. Nécessairement, mon amour est parfait. Je ne peux pas en souffrir. Lorsque l'on parle d'un détachement, c'est une voie ancienne qui essaie de soulager la souffrance de l'amour. Vous attachez. L'homme s'attache aux choses qu'il aime, donc il en souffrira. L'amour intelligent est une voie de non-attachement. Mais comment l'homme peut-il arriver à comprendre les deux points? Attachez-vous, mais ne vous attachez jamais à être attaché. Aime-le et aime-le tant qu'il est là. C'est ça que ça veut dire. L'homme comprend la voie du non-attachement comme « j'ai pas besoin ». Non, pas besoin. Mais si tu as besoin d'une pomme puis qu'il n'y a pas de pomme, puis qu'il y a une orange, arrange-toi pour avoir besoin d'une orange. Première chose, mes points majeurs. On parle des miracles. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est quelque chose qui échappe à la conscience compréhensive ou associative de l'homme. J'ai dit qu'à un moment donné, on pourrait marcher sur les eaux ici dans le fleuve. Il serait tellement pollué. Ça ne serait pas un miracle. À un moment donné, le Nazaréen a marché sur les eaux. Il y a d'autres bonhommes aussi qui ont marché sur les eaux. Un miracle, c'est quelque chose qui sort de l'entendement, de l'expérience de l'âme. L'indigène qui n'a jamais vu... Bon, on est allé au Pérou, toi et moi, dans l'Amazonie. Et tu rencontres un indigène qui allume son feu. Après 25 minutes, on ne sait plus si c'est sa chaleur corporelle ou le bois qui allume, mais ça commence à fumer. Et puis, à un moment donné, après 3-4 petites cochonneries qu'il met dessus, ça brûle. Et vous arrivez devant lui pour jeter sa science à terre, sortir le bic. Mets l'allumette, bic, tu allumes ton feu à côté. C'est un miracle pour lui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un miracle? C'est quelque chose qui fait partie des lois de la planète Terre, sauf que lorsque l'homme n'a pas appris à manipuler les lois qui régissent les choses, lorsque quelqu'un le fait, c'est un miracle. On va dire, non, c'est l'intervention divine qui caractérise le miracle. L'intervention divine se fait lorsque l'homme est prêt. Donc, si l'homme est prêt, l'intervention divine ne peut pas faire autrement que de se faire. Comprenons l'écologie, le miracle apparaît. Qu'est-ce que l'amour intelligent vient faire avec le miracle? Ce serait déjà un miracle, n'est-ce pas, que d'arriver à aimer sans souffrir. Sans avoir peur de perdre. Et sans haine. sans risquer de transmuer notre amour en haine. De toute façon, si on ne souffre pas, la haine ne peut pas apparaître. Juste être capable d'aimer sans être attaché sur un miracle. Mais non, l'amour intelligent permet autre chose. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la croyance exagérée dans un concept. Mais cette foi qui est une croyance exagérée dans un concept est la foi démolie par l'amour conditionnel de l'homme. La foi aveugle est une absurdité émotive de l'homme. Mais lorsque l'être humain dépend, aime sans être attaché, il a la foi. Je donne un exemple, tu rencontres une personne qui est malade et tu l'aimes d'une façon intelligente. Tu observes sa maladie et tu vibres l'absurdité de sa maladie. Tu n'es pas touché émotivement parce qu'elle est malade. Parce que si tu es touché émotivement, ce n'est pas une foi pure, c'est une foi colorée. Tu seras tellement à plus touché émotivement que tu ne pourras pas rien faire d'autre, à part peut-être être malade avec elle. Si tu l'aimes sans être touché et que tu vois l'absurdité de son état, il y a de fortes chances que son état s'améliore. Mais cette personne devra t'aimer en te respectant. Donc, elle devra t'aimer sans attachement. Comment pensez-vous que l'on respecte un individu si on l'attache? Au départ, c'est impossible. Voilà. Donc, si je t'aime ou j'aime ma femme, tu es préférable, et j'aime pareil, mais pas selon le standard, en tout cas. J'aime ma femme et je l'aime, je suis attaché à elle. Nécessairement, je ne peux pas la respecter. Parce qu'elle devra être conditionnée, elle devra suivre, elle devra faire des compromis. Et je l'ai dit la semaine dernière, je crois, le compromis, c'est une promesse de compte. Bon. Donc, lorsque l'homme s'approche de cette personne malade, il la regarde, il trouve que c'est absurde, il trouve parce qu'il vibre l'absurdité de sa condition. Mais il s'en fout de sa condition, émotivement. Et si l'autre est capable de l'aimer avec le même respect, il y aura des changements. Et lui-même va dire, bon, voyons donc, c'est comme si... Sauf que si on est attaché à la guérison, ça ne marche pas. Si on est attaché à faire un spectacle, donc à avoir du pouvoir, ça ne marche pas. Si on est attaché à réussir, ça ne marche pas. Si on est attaché à guérir, ça ne marche pas. Dans le couple... Cet amour intelligent, comment se manifeste-t-elle? Comment on y arrive? Dans le couple, il y a la densification de l'amour individuel de l'homme, l'amour psychologique. L'amour est... Si elle n'est pas apte à aimer d'un amour intelligent, que l'on aime d'un amour intelligent. Parce que si j'aime d'un amour intelligent, je ne peux pas aimer ma femme plus qu'une autre femme. Et je ne peux pas aimer ma femme plus qu'un homme. Et je ne peux pas aimer ma femme plus qu'un chien. Et je ne peux pas aimer ma femme plus qu'un marégois. Et je ne peux pas non plus aimer le chien plus que ma femme. C'est un amour intelligent. Continue, on va finir par... C'est une question d'écologie. C'est comme... Qu'est-ce que c'est que le respect? L'amour intelligent, c'est le respect total, absolu, donc inconditionnel des choses. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment pouvons-nous respecter une personne si nous voulons la transformer? Si nous voulons qu'elle fasse ce que nous voulons? Si nous voulons l'éduquer à notre façon? Si nous voulons qu'elle croie notre Dieu ou notre religion? Nous ne pouvons pas. Ce n'est pas du respect. L'amour intelligent, c'est le respect. Et le respect, c'est le laisser-être. Le laisser-être, faire attention, parce que l'être humain peut s'allier, s'assujettir, à manipuler autrui dans le monde de la mort, dans le ciel, dans le monde astral, c'est la même chose. Dans la psychologie collective, ce qui collectivise l'homme. Parlez toujours en mal de quelqu'un, vous lui nuisez. Parlez toujours en bien de quelqu'un, vous lui nuisez. Parce que si vous parlez en bien, vous l'enclenchez à suivre un chemin manipulé par vos paroles. Et si vous parlez en mal, vous faites la même chose. On ne doit pas parler de personne. Pourquoi parler que l'arbre est beau? C'est tout qui est en plastique. Pas lui! Mais pourquoi devons-nous continuellement être assujettis à t'attacher à l'extérieur? De façon à ce que l'extérieur fait avec ce que nous voulons. Il y a un amour qui nous est propre. Parlez de vous. C'est pas de l'orgueil ou de l'hypocrisie ou de l'égocentricité. Qu'est-ce que c'est que l'égocentricité? C'est lorsque l'on parle de soi. On devrait pas parler de soi. Laissez donc les autres parler de nous. C'est pas de l'égocentricité encore pire. Tu seul, parle-en pas. Mais arrange-toi pour que la gang en parle. C'est tout un orgueil aussi. Oui, mais sauf que dans la société actuelle, ce n'est pas l'orgueil, on appelle ça être correct. Non, ne parle pas en bien d'autrui, ne parle pas en mal d'autrui. Et puis, laissez les morts enterrer les morts, c'est la même chose. Parler en bien d'un mort, parler en mal d'un mort. Le mort, il est mort, et oublie-le. Laisse-le à son monde. Tu dois aimer pour toi, et par la suite, tu dois marcher comme un bateau sur l'eau. Il avance en fendant l'eau, mais derrière lui, l'eau n'est jamais brisée. C'est de l'amour intelligent. Alors, il se sert de l'eau, mais jamais l'eau ne se rappelle le bateau. Donc, l'eau ne pourra pas regretter le bateau. L'eau ne pourra pas s'ennuyer du bateau. L'eau ne pourra pas espérer un autre bateau. Et lorsqu'un autre bateau va passer, l'eau ne dira pas « Hey, c'est pas le même bateau, passe pas. » Il est laid. L'eau ne peut pas le faire. Mais l'homme décide que lui va le faire. Lorsque un événement passe dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un enfant, il décide de prendre son petit... C'est un peu un ninja, hein, l'homme. Il a un petit crochet avec une corde qu'il tourne, puis il lance ça dans l'événement. Puis il s'accroche après. Puis là, il dit, hey, ça, c'est un beau coucher de soleil. Tu me sers le bouton. Puis j'espère qu'il va en avoir d'autres. Puis essaye de le retenir dans ta mémoire pour pouvoir triper dessus plus longtemps, même si lui est parti. L'individu, c'est la même chose. Combien de parents ont souffert de voir que leurs enfants grandissaient? Qui était plus pareil. Oui, tu sais, il est rendu à 14 ans. Ils font plus ce que je veux. Non. Là, si je vois des cheveux. C'est lui qui tue les cheveux. C'est incroyable. Alors donc, nécessairement, le miracle vient de cela. Là, je prépare les terrains. On va maintenant parler peut-être d'une façon plus énergétique ou cosmique de ce phénomène de l'amour intelligent. Tu as une question, vas-y. Je vais voir. Eh oui. Comment vivre finalement de tous les jours? On est dans une société où on a appris plein de choses, on est tout à fait très, très bien programmé, et puis là, il faut complètement se décrocher de tout ce système d'amour qui n'est pas de l'amour, mais comment on fait pour trouver chez soi cet amour intelligent, puis commencer à le vivre? Je vais te donner un truc. Le Nazaréen, à un moment donné, portait une croix. Mais c'était un gars brillant. L'un des plus puissants hommes nouveaux de l'humanité jusqu'à date. Alors, il s'en va avec sa croix, c'est faisant. La croix, c'est tous les problèmes que tu as sous le dos. À un moment donné, il fait semblant de tomber, puis là, il y a quelqu'un qui aime d'un amour psychologique qui se garoche, qui amasse sa croix. Je ne sais rien, ben, oh, ben, de moins parfait. Il y aura toujours, présentement, dans l'étape actuelle des choses, quelqu'un pour souffrir à ta place. Il est heureux s'il souffre à la place de quelqu'un d'autre. Alors, donne-lui donc ta croix. Puis si tu es un homme d'affaires, vends-lui. Il va l'acheter! Et ça fonctionne. Il y a des humains qui sont convaincus qu'ils aiment et qu'ils accomplissent les voies de Dieu lorsque tu portes le karma d'autrui. Et c'est une voie évolutive. Mais pour d'autres humains, ils devront laisser la croix à ceux qui veulent la ramasser. Mais oui, comment se fait-il? Il y a plein, tous les gens veulent la laisser leur croix. Ils veulent même la vendre ou même la donner pour que c'est sûr qu'ils s'en débarrassent. Regarde la mère. Hé, je suis allé d'être ici. Tu rentres avec un petit peu de morve sur le nez, papa en courant pour y ramasser ça. Elle veut donner sa croix pour en ramasser plus. Le père, c'est la même chose. Il veut. On a des personnes ici qui travaillent au centre, qui veulent de plus en plus de responsabilités. Il y a des responsabilités qui sont des quoi. Il y a des responsabilités qui sont des marches. Mais on ne doit pas supporter l'escalier sur son dos parce qu'on peut être sûr que c'est d'autres qui vont monter. Pas nous autres. Il faut que l'escalier soit où qu'elle est. Toi, tu montes dessus. Et si tu montes dessus, nécessairement, tu salues les marches. Et tu les uses à la longue. Mais si tu la portes sur ton dos, l'escalier, c'est d'autres qui vont monter. Et là, tu vas dire que tu marches à dos. C'est normal. On monte. Il y a plusieurs trucs. Regardons ceci. Je vais parler un peu de ce que le Nazaréen a expliqué dans le passé, il y a presque 1900 quelques années. Et c'est le premier qui a amené ce phénomène, cette idée de l'amour intelligent, sauf qu'il n'a pas appelé ça comme ça. Et là, le langage ne le permettait pas. Tu devras aimer ton Dieu. Premier des commandements qu'il a amené. Et deuxièmement, aime ton Dieu, ton âme, ton corps, ton esprit. Deuxième commandement, aime, mais vous les uns les autres, ou aime les autres comme toi-même. À Barabbas, il a été lui compté, je suppose que c'est une vraie farce, aller compter ça à un chef de guérilla. Tes ennemis, aime-les. Ça l'a permis à Barabbas d'haïr le Nazaréen. Bon, et c'était fait pour. Aimer son Dieu de tout son corps, de tout son âme, de tout son esprit, cela est simplement une instruction qui doit obliger l'homme à comprendre que l'âme, ce n'est pas important. De tout ton corps, l'âme est par-dessus, l'âme est plus importante que le corps et de tout ton esprit. Et l'âme qui est les forces astrales évolutives sur le plan planétaire, l'âme qui est régie par les forces supérieures, sataniennes et arimaniennes, l'âme qui permet à l'être humain de conserver de l'ego, l'âme qui permet à l'être humain de devenir orgueilleux, l'âme qui engendre des théologies émotives et qui est la quasi-totalité des religions sur la planète Terre, enseigne à l'homme de sauver son âme. Esprit? On verra plus tard. Alors, à un moment donné, l'âme va même dire, tu as vu un esprit. C'est un fantôme, c'est pas un esprit, ça se voit pas de l'esprit. As-tu vu le gars là-bas, il fait de l'esprit? Il fait pas de l'esprit. Alors, on galvaude ce mot et on le s'arrange pour l'oublier. Deuxième commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ou aimez-vous comme vous. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que dans l'univers, il y a cette force d'attraction. Cette force d'attraction est ce qui lutte contre l'expansion universelle de notre galaxie. Regardez ceci. Il y a eu, à un moment donné dans l'univers, l'apparition du temps et de l'espace. Il y a eu une seule action dans cette création. Et cela a été la création de cet univers qui est en expansion. Cette expansion, elle a été créée par une force sur laquelle, à un moment donné, on pourra revenir. Chose certaine, c'est que l'homme a un rôle majeur dans cette création, c'est de bloquer l'évolution expansive de tous les univers. Évidemment, l'homme, lorsqu'il se regarde dans son corps de chair, ne voit vraiment pas comment il peut empêcher un trou noir de s'éloigner de sa galaxie. Il ne voit pas, pour l'instant. Mais je connais des hommes des cavernes qui n'ont jamais pu comprendre qu'un jour on pourrait voler, et encore moins aller s'exposer dans l'espace ou aller sur la Lune. Bon. Lorsque l'homme vit, il accumule de l'énergie. On en a déjà suffisamment parlé. Mais revenons à cette expansion de l'univers. L'expansion est présentement en régression. Il y a une seule force dans l'univers qui va contre cela, et cette force s'appelle attraction. On peut appeler cela amour, attirer vers soi. Et toutes les théologies émotives, même si elles sont assujetties au plan évolutif de Lucifer, qui a voulu faire en sorte que l'homme retourne au plus sacrant vers son point source, et cela a fait en sorte que la race humaine a été mélangée à la race adamique trop rapidement, et cela a engendré un être, un animal humain avec une âme égoïsée. On appelle ça la chute. Bon, Lucifer est quand même, Lucifer veut dire porteur de lumière. Cela a été permis par les intelligences créatrices, mais on ne l'a pas dit à l'homme tout de suite. Alors donc, on a une force qui essaie d'attirer vers elle, vers une espèce de centre sans coordonnées spatiales, les éléments en expansion de l'univers. Ça, c'est l'amour. Cela attire. L'amour est une force extraordinaire qui existe sous 13 formes de dimensions, les 4 que nous connaissons actuellement, la largeur, l'épaisseur, la hauteur et le temps, et les autres formes, les 9 autres formes de dimensions que l'astrophysique commence à vouloir envisager. Cette force, elle existe partout dans l'univers et elle est ce qui vous crée. Donc, nécessairement, l'homme est amour. Et on peut aussi dire que Dieu est amour, il n'a pas le choix. Parce que s'il n'est pas amour, il n'est pas là. Si l'homme n'est pas amour envers lui-même, il ne peut pas exister. Prenez un être humain, placez-le dans l'espace, il explose. Parce que son amour matériel, biologique, les liens intermoléculaires ou intra-atomiques ne sont pas suffisamment puissants pour le conserver. Je prends un verre ou je prends un morceau de métal et j'essaie de le briser. L'amour entre les molécules le retient tellement ce n'est pas brisable. Est-ce que ce n'est pas Dieu en même temps? Dieu, c'est un paquet de choses. Et si tu veux que Dieu soit cet amour intelligent, il peut l'être. Si Dieu est l'amour intelligent, c'est essayer de le prier. Bon, il n'en a pas besoin. Lorsque cet amour cette énergie qui est partout, lorsque l'homme essaie de canaliser cette énergie pour en faire quelque chose qui va fitter avec son plan émotif, c'est là qu'il passe à côté de la traque. Il y a un amour qui permet à l'homme de marcher sur la rue, de regarder quelqu'un souffrir, de ne pas vibrer à sa souffrance et de continuer à marcher. Cette personne qui souffrait n'avait pas à être aidée par celui qui marchait. C'est de l'amour intelligent, parce que s'il n'y a pas de relation autre que le plan émotif, je respecte et je continue. C'est exactement comme si tu prends un enfant et tu le chicanes, tu l'enfermes dans sa chambre. Alors moi, je passe par là, et je vois l'enfant dans sa chambre, je suis le sauveur, j'ouvre les fenêtres, je sors. Non, l'enfant avait à apprendre quelque chose là. Je n'ai pas à me mêler d'une chose que je ne peux pas concevoir ou comprendre. Mais émotivement, si je suis pris par l'amour émotif, psychologique, je vais vouloir l'aider. On doit absolument comprendre que pour que l'amour intelligent naisse chez soi, ou qu'on soit exprimé chez soi, qu'on le comprenne, on doit comprendre que l'amour émotif, que tout ce que vous faites à l'instant où c'est une émotion, n'est jamais fait pour autre que vous. Et là, vous finirez par développer un amour intrinsèque d'une force telle que, premièrement, vous cesserez d'être malade, que, deuxièmement, vous cesserez de souffrir, d'aimer, et vous aurez maintenant un point de comparaison essentiel pour comprendre l'amour intelligent. Et là, vous aimerez les autres comme vous-même. On dit, de temps en temps, j'entends ça dans certains phénomènes spirituels, on doit s'aimer comme soi-même, mais je m'aime, je me trouve beau, je me trouve fin. Bon, et puis là, ben, maintenant, je suis prêt à aimer les autres. L'amour intelligent ne t'oblige jamais à faire une démarche auprès d'autrui. L'amour intelligent ne te missionne pas à sauver autrui. C'est un phénomène écologique. Oui, tu passes par là, il y a quelque chose, il y a intelligence à accomplir un acte, tu accomplis l'acte. L'acte ne fonctionne pas, tu continues. L'acte fonctionne, tu n'es pas content, tu ne te valorises pas, tu ne te nourris pas de tout ça. C'est de l'amour émotif. Tu continues tout. On appelle cela comment? On appelle cela l'humilité. L'amour intelligent, nécessairement, est exprimé par celui qui est inégoïsé, donc par celui qui est un. On n'a pas le choix. Mais il y a deux formes d'amour. On a l'amour qui nécessite l'ego et qui permet à l'ego d'être conservé chez lui et qui permet pendant ce temps-là une expérimentation, une vie évolutive améliorative, expérientielle, qui permet de développer un plan, l'ajusteur de pensée, qui fait en sorte qu'un jour l'homme entre en contact avec son esprit. Pas avec l'esprit, avec son esprit. Et son esprit est nécessairement un proliférateur d'amour intelligent. On m'a déjà dit, comment peut-on vivre en société en n'aimant pas, comme on fait référence à la manière qu'on s'aime aujourd'hui? Es-tu capable d'aimer quelque chose et lorsque la chose n'est pas là, de ne pas l'aimer? Si oui, tu aimes d'un amour intelligent. Mais il faut faire attention. Dans la tête de l'homme, ne pas aimer veut dire haïr. Es-tu capable d'être dans une forêt, de marcher, sans t'arrêter à chaque arbre pour triper dessus? Mais celui qui tripe sur chaque arbre, c'est comme la femme qui rentre d'une pouponnière qui tripe sur chaque enfant. C'est comme le chasseur de photos qui voit un paquet de chevreuils qui tripe dessus. C'est comme l'homme qui rentre chez les héros là et qui tripe ses outils. C'est comme ben des points de vue. Sommes-nous capables de vivre dans le monde, dans la matière? Mais qu'est-ce qu'on va faire si on ne tripe pas? Parce que tu aimes triper. Alors, si tu tripes sur le trip... C'est souvent ce genre de commentaire qui fait que, évidemment, ça change tout. Oui, maintenant tu vas triper. Continue à triper. N'ayez pas peur, vous allez continuer à triper. Bon. Ce qu'il faut faire pour continuer à triper sans triper sur le trip, c'est là la solution. Es-tu capable d'avoir du plaisir, mais ne pas avoir du plaisir d'avoir du plaisir? Être attaché. C'est ça. Je joue à quelque chose, j'ai du plaisir. Mais si je suis attaché à ce plaisir, je vais vouloir que le jeu continue. Et si l'autre veut cesser de jouer, je vais le laisser t'arranger puis je joue encore un peu. Je ne peux pas le respecter. Je joue ping-pong, je suis en train de gagner. Il n'est pas pour arrêter. Je perds toujours. Alors, je tripe sur le plaisir de gagner. Alors là, je suis allé, encore une partie, encore une partie. Je ne l'aime pas. Je l'aime pour moi. En réalité, je me sers de lui comme un instrument pour nourrir ce que j'aime chez moi. C'est naturel, vous devez continuer à le faire. Mais en même temps, on doit être écologique. Et là, je vais jouer et je vais me rendre compte que mon ego se nourrit. Et lorsqu'il lui veut arrêter, je fais l'effort de dire « pas de problème ». Et là, je me rapproche de l'amour intelligent. Il y a des personnes qui, de temps en temps, me demandent « Monsieur Kim, est-ce que vous faites des consultations? » Je réponds non. De temps en temps, je reste en bas et je jase avec les gens. Mais je vais rester quand ça va être climatisé, hein, comme vous. Bon. Alors donc, je parle. Et il y a des personnes qui veulent me parler, je ne veux pas. Il y a des personnes, c'est bien simple, ils arrivent, bonjour Monsieur Kim, je leur dis « Oui, parfait, on se passe. » La personne qui dit « Ah, parfait » et qui s'en va, elle me respecte. Cela veut dire que la semaine d'après, ça veut me parler, je vais dire oui. Parce que je sais que lorsque je considérerai que c'est suffisant pour moi, elle va comprendre. Elle n'est pas une têteuse d'énergie, cette personne. Mais le respect est rarement vécu dans celui qui aime. Les couples ne se respectent pas, les enfants ne respectent pas leurs parents, ils ne respectent pas leurs professeurs, et les parents et les professeurs ne les respectent pas. Il n'y a pas de respect à cet amour, dans l'amour psychologique. Et c'est naturel. Vous ne pouvez pas aimer pour vous en respectant ce que vous aimez, soit. Et vous devez continuer à aimer pour vous. Mais à travers cela, essayez de vous rassasier de ce que la vie en événement vous amène. J'aime jouer au ping-pong et j'aime gagner, j'en profite. Quand l'autre est tanné de perdre, je ne dois pas m'attacher, je dois comprendre que je dois me rassasier. C'est correct. Et je ne souffre pas. Les grands-parents qui voient leurs petits-enfants rentrer à la maison, « Ah, bonjour! » Ils sont venus chercher quelque chose et repartent. Je trouve ça parfait. Eh oui, sauf si le grand-parent, « Hé, des gâteaux, tarte! Crème cassée! » Mon bec! Les grands-parents vont souffrir si ce sont des enfants nouveaux. Parce que gâteau, crème glacée, pour les enfarger quand ils partent, les petits maudits. Ils sont qui n'ont pas de cœur. Comprendre une chose. Le Nazaréen s'en va quelque part, il y a un aveugle qui vient le voir. Et c'est dit comme ça, il vient le voir. L'aveugle. Et puis, le Nazaréen le regarde, puis il veut, et il serre la main. Il dit, continue, mon vieux, lâche pas. Il s'en va. Puis l'aveugle, ben, il lâche pas sa canne, il lâche pas la main de l'autre, toujours aveugle. Le Nazaréen rencontre un autre aveugle et l'autre guéri. Il y a une chose que vous devez comprendre. D'ici peu, il y a des humains aussi qui vont faire des choses dans ce genre. Il y en aura quelques-uns. Et le gros problème majeur de ceux-là, c'est qu'ils devront aussi apprendre à guérir que ceux qui ont été placés sur leur chemin pour être guéris, de façon à enseigner à l'homme que cela se fait. Le Nazaréen n'a pas guéri l'humanité de tous les maux, parce que personne ici ne serait malade. Le Nazaréen n'a pas guéri toute la Judée des maladies. Des personnes devaient se déplacer, donc les autres n'étaient pas guéris. Et ça, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas et qu'on ne veut pas aussi comprendre. Être capable d'être rassasié de l'amour de l'ego, cela veut dire être capable de donner à son ego la nourriture qu'il a besoin et instruire l'ego d'être sûr qu'on va continuer à le nourrir. J'ai fait une conférence sur les ondes de forme. C'est déjà un moyen extraordinaire de s'infecter autrui. Tu as une plante, tu ne l'aimes pas. La plante, elle est là pour servir l'homme. Alors, tu n'as pas besoin de la respecter. Sers-toi-en. Mais l'homme n'est pas là pour servir l'homme. Lui doit être respecté. Combien sont parmi les fidèles des théologies qui prient leur Dieu et qui sans cesse leur demandent des choses et les remercient d'avance pour culpabiliser ces dieux s'ils ne donnent pas ce qu'on leur a demandé? Alors, mon Père, je te demande ceci et je te remercie d'avance. C'est pas bien refusé, hein? Et il y a une autre chose, c'est que tout ce que l'homme a besoin, si son Dieu est intelligent, il l'a déjà, avant même de le demander. Comment on remercie en cessant de s'approprier ce que Dieu donne aux autres? En l'occurrence, l'autre. J'aime jouer avec un ordinateur. J'aime marcher dans la forêt. J'aime travailler avec des enfants. J'aime travailler avec des humains. J'aime faire des conférences. Et lorsqu'il n'y a pas d'enfants, lorsqu'il n'y a personne à mes conférences, je fais autre chose. Lorsque quoi que ce soit arrive, je fais autre chose. Je veux un cornet, je vais chez Diary Queen. Je viens pour que je frappe à la porte. Et puis, c'est barré. Alors, étant donné que c'est barré, bien, je constate que c'est barré. Quand c'est barré, c'est barré. Puis je m'en vais et je m'en vais, puis je n'ai pas de problème. Parce que j'aime d'un amour intelligent, je peux me permettre d'aimer d'un amour égoïste. Et on ne souffre pas d'aimer d'un amour égoïste. Il y a des restaurants écossais ici, là. McDonald's, c'est l'excès écossais. Il y a des humains qui vont là. Et... qui ne sont pas toujours satisfaits. Parce que ça devrait prendre 30 secondes, parce qu'à un moment donné, il y a plein de monde qui ont pensé que ça prendrait 30 secondes. Et évidemment, quand plein de monde pense la même chose, ça s'étire toujours dans le temps. Non, l'homme est toujours frustré. Vous avez le droit d'avoir de l'émotion, la preuve, vous en avez. L'homme a le droit d'avoir une pensée, même si cette pensée, l'ange lui engendre et lui amène de la souffrance. L'homme a le droit de désirer pour lui. Sauf qu'il est intelligent que l'homme se contente dans ses désirs égoïstes que de ce qu'il a et que ce que la vie lui amène. Vous vous déplacez pour aller au cinéma, vous ne voulez pas attendre, mais il y a une file juste au magasin suivant. Alors, vous ne chialez pas, parce que là, vous aimez de l'amour émotif. Et c'est stupide, c'est une perte d'énergie. Il y a une chose très importante dans l'évolution de l'homme, c'est que l'homme évolue que s'il accumule de l'énergie. Il accumule de l'énergie et il grandit. Chaque fois qu'il chiale, il en perd. Chaque fois qu'il est frustré, il en perd. Chaque fois qu'il aime trop, il en perd. Chaque fois qu'il est heureux, il en perd. Comment on accumule d'énergie? Accumule l'énergie en cessant de la gaspiller. Ça paraît con, mais c'est la seule façon. Il n'y a pas 50 façons. Tu peux accumuler de l'énergie en te croisant les jambes du vent et puis en méditant. Tu accumules de l'énergie. Le seul problème qu'il y a, c'est que tu accumules une forme d'énergie. Mais l'énergie, ça ne circule pas. Oui, l'énergie, non. Ça circule partout, mais l'être humain en accumule. Elle circule dans l'homme, mais elle ne sort pas de l'homme au fur et à mesure qu'elle rentre dans l'homme. Un guérisseur convenable guérit et en guérissant, se guérit. La majorité guérissent et attrapent les maladies de ceux qui guérissent. C'est le choc de l'onde de retour. L'être humain accumule de l'énergie. L'exemple le plus évident, quelqu'un fait une connerie. Alors, vous allez lui expliquer. Alors, vous commencez, vous lui dites, excusez-moi, monsieur, mais... L'autre se retourne. Qu'est-ce que tu veux? Ah, ben, je suis venu vous dire que... Perdez l'énergie, là. Parce que là, vous n'avez même plus la conscience de la paix. Veux-tu aller te... Oh, mais vous êtes bête, là! Bon, quand vous êtes en chicane avec, vous vous rappelez même plus ce que c'est que vous deviez dire, ni comment lui faire comprendre, puis évidemment, il ne comprendra pas. Être en colère pour expliquer à un enfant quelque chose, l'enfant ne va rien. Ce que l'enfant va comprendre, fait le but, l'autre vire fou. L'être humain perd de l'énergie. On vous téléphone, on jase une heure de temps au téléphone, puis quand vous raccrochez, ben vous n'êtes pas prêt à aller danser. Perd de l'énergie. Comment l'accumuler, aimer d'un amour intelligent? Oui, allô? Oui, c'est encore toi? Oui, clique, tiens, c'est un dérangement. Moi, t'aimes d'une façon intelligente. Savez-vous pourquoi vous aimez d'une façon intelligente? Parce que vous instruisez l'autre à finir par se prendre en main. Si elle se suicide, c'est sa job. Ça ne vous regarde pas. Mais parce qu'on aime d'une façon émotive, achetez-vous au concept d'aimer. Lorsqu'un enfant s'aime plus qu'il vous aime, sachez qu'il n'est pas orgueilleux ou égoïste. Sachez qu'il est intelligent et sur le bon chemin. Lorsque vous allez être capable de vous aimer plus émotivement qu'autrui, vous serez sur le bon chemin. Parce qu'enfin, vous aurez une consistance égoïque, amique. Mais le problème, c'est que si vous ne pouvez pas vous rassasier de cet amour humain, l'amour intelligent décolle et s'éloigne de vous. Parce que l'amour intelligent doit vous entourer et c'est cet amour intelligent qui devra vous faire vivre la relation entre vous et l'extérieur. Mais si l'amour émotif de l'homme s'étend à l'extérieur de l'homme, il écarte l'amour intelligent et vous allez vivre une relation intelligente avec ceux qui ne sont pas dans votre cadre d'amour émotif et à l'instant où une personne devient de plus en plus près de vous, à un moment donné, pouf, elle perd le respect que vous aviez pour elle et elle devient